cri déboucherait même l'oreille d'un sourd. Je voulais garder mon calme, je suis dans mon coin, je fais chez personne, j'attends que les années me crament. Je gratouille mes merdes et je bégère seul. J'essaye de voir le positif, trouver ma route en somme et je mange des coups. Et me dis pas que ceux qui en dégoûtent s'en sortent, je suis dans le dégoût. Je crois que j'en ai marre du son, ça pue la merde. C'est plus la même, je fais des constatations des plus amères. Moi je fais mon truc, loin d'être blindé en le formant par image. Alors où le rap indé se transforme en Paris Match. Et quand le vent souffle, vaut mieux apprendre à tempérer sa voile. J'emmerde ceux qui passent leur temps à comparer ma voix. Ceux qu'on pense amis mais ne sont que connaissances. Les drogués de Paris, les frustrés, les trentenaires en manque de reconnaissance. Putain c'est grave, j'ai foutu mes pieds dans un plateau. Quand je vois ce qui les égare, je suis le premier à vouloir couler le bateau. Je me sens pas à ma place, j'ai fait la connerie d'être bon. Je ferai pas volte-face, j'aurai la fierté d'être con. Bordel, j'ai pas attendu Swagman pour mon carré cash. Envie de me parer grave, passerai pas ma vie dans leur marécage. Je veux voir des choses qui changent, goûter la liberté, donner sans recevoir d'échange. Je suis pas fait pour hiberner, je veux sentir le vent sur ma peau. Je vis dans le dégoût, tu sais, le cri des cigales, des crapauds, sentir le goût du sel. Il faut que je me délivre, parce que dans l'enfer du sombre, c'est simplement pour vivre que j'arrêterai de faire du son. On vit ailleurs, la vie à l'aucun me tente, mais je suis dans l'attente d'avoir une vie que j'idolâtre tant. On vit ailleurs, d'un renouveau, d'un souffle, nos cris déboucheraient même l'oreille d'un sourd. On vit ailleurs, la vie à l'aucun me tente, mais je suis dans l'attente d'avoir une vie que j'idolâtre tant. On vit ailleurs, d'un renouveau, d'un souffle, nos cris déboucheraient même l'oreille d'un sourd. Moi je ne suis qu'un chral de plus, perdu sur ta langue, à ton égard gênant. Et non, un schlac qu'on juge sur le talent, parce qu'on a l'envie d'y croire et de pousser le kiff. Mais à cause de sale daron, on perdra tous ces types. Un air susceptible d'heurter la sensibilité face à un public averti, on fait sa sensibilité. Et ouais, les bonnes manières, qu'on puisse au fond des geôles. Refaire machine arrière quand trop sont ceux qui me désolent. Prends un bol d'air, regarde la mer et son immensité. Je suis trop terre à terre, c'est pour les frères, j'oublierai pas de citer. T'es bloqué, les pieds figés, ancrés dans le ciment dur. Y'a des moyens de s'évader en calcinant un truc quasiment pur. La routine tue, quand je me fume mes titubes. Ouais, faut que je me barre, et dis comme ça mon rap l'apprécie-tu. Juste après les études, lâcher du lest pour devenir taciturne. Voir le monde est en ouest, même si le destin doit tenir la ceinture. Parce qu'en vrai, on est trop rattaché à l'endroit d'où l'on vient. Y'a des trucs à raconter, que ça soit en mal ou en bien. Alors plutôt que d'être frustré, j'ai pris la plume d'eau sans regret. Mais la pluie tombe des coups d'eau, n'ayant pas l'air d'être vrai. Le rap m'attire, mais son décor m'effraie. Pragmatique quand j'écris, je pense à tous ceux qui en rêveraient. Pouvoir cracher leur rage et l'imager avec les mots qui sortent. Voyager en écrivant contre ce maudit sort. Il y a quelque chose là-bas qui est très important dès que tu te pointes dans ces régions. C'est que les rapports sont complètement différents. Les choses se passent dans les regards. Il n'y a pas de blabla comme ici. Ici, tout le monde jacte. On vit ailleurs, la vie à l'aucun me tente, mais je suis dans l'attente d'avoir une vie que j'idolâtre tant. On vit ailleurs, d'un renouveau, d'un souffle, nos cris déboucheraient même l'oreille d'un sourd.